nos yeux sont fixés sur toi. Nous n'avons personne que toi. Tu dis, invoque-moi dans la détresse et je te répondrai. Christu Baba, eh. Oh, Baba. Oh, oh, na mamlaka yote. Amina bufari.